Livre 5. L'autorité est sacrée. Sur l'âne, Malbrou s'en va en guerre. Victor Hugo fait chanter tous leurs vœux aux brigands les plus célèbres de l'histoire et de la littérature. Robert Macaire, bandit type, héros d'un mélodrame du début du 19e siècle, montre à tous ces brigands que leurs vœux les plus chers sont couronnés en Napoléon III. Ainsi dans leur poussière, Paris tremble douleur ou misère. Ainsi dans leur poussière, parlent les chenapans, parlent les chenapans. Ça, dit Robert Macaire, Paris tremble douleur ou misère. Ça, dit Robert Macaire, pourquoi ces cris de paon? Pourquoi ces cris de paon? Pourquoi cette colère, Paris tremble douleur ou misère? Pourquoi cette colère? Ne sommes-nous pas rois? Ne sommes-nous pas rois? Regardez le Saint-Père, Paris tremble douleur ou misère. Regardez le Saint-Père, portant sa grande croix, portant sa grande croix. Nous sacrons tous ensemble, aux misères, aux douleurs, Paris tremble. Nous sacrons tous ensemble, dans Napoléon III, dans Napoléon III.